Il n'y a plus personne qui croit Stephen Harper. Et vous savez, comme moi, qu'en politique, quand on n'est pas cru, on est cuit. Il n'a pas besoin d'aller se cacher dans un chalet pendant trois jours pour tenter de se renouveler. Il le fait devant vous à chaque semaine. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudier! Hey boy! Faudra louer le lion d'or dans pas longtemps. Ouais. Hey, qu'il y a du monde à soir. Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de se préparer pour des élections provinciales. Fred Savard, bonsoir. Hey, bonsoir. Hey, moi, je vais voter par anticipation. Là. Ça va être réglé. Là. Ah oui, vous êtes ben pressé. Oui, mais ça hein? sent les élections, ah c'est oui. malade. Ah oui, ben vous allez pouvoir le faire au municipal, en tout cas, parce que ça commence aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais ici? Bon, on vous retient pas, allez-y. Ah, vous êtes bien gentil. Ben oui, c'est comme ça. En tout cas, il y a deux candidats qui ont reçu des appuis de taille cette semaine à Montréal. Il y a Mélanie Joly qui a reçu la bénédiction d'Alexandre Trudeau. Vous avez ah ouais, ça, c'est, ouais, c'est qui ça, Alexandre Trudeau? C'est le frère de Justin. Ah oui, le fils de l'aéroport. Lui-même. Ouais. Tout le temps drôle, joke, là. Ça meurt pas. Fait qu'Alexandre Trudeau va voter pour elle. Ouais. Et en même temps, je le comprends parce que c'est elle qui s'est occupée de la campagne de Justin Trudeau au PLC. Hein, ouais, mais là, en même temps, la campagne de Justin, c'était pas bien ben difficile. Il se battait contre un astronaute puis quatre nobody canadiens-anglais. Ouais, vu de même. Vu de même, même une chèvre aurait gagné. Ouais. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Ah, OK. Sinon, tremblement de terre dans l'échiquier politique. Il y a Marie Ekel qui a donné son appui à Daniel Lorrain. Ah, ça, c'est pas. Marie Ekel, c'est qui déjà ça? Ben, Passe-Partout. Ah oui! Voyons donc. Voyons Daniel Lorrain, c'est qui déjà ça? C'est Passe-Par-Là. Ah ouais? mais pas en BC. Ah, pas en BC, ça c'est bien important. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Ah, les revenus des candidats à la mairie, vous avez vu ça? Hein? On a appris les revenus. Oui, ça, là, ça m'aide à voter. Moi, je vote pas pour des pauvres. Non. Je veux savoir comment ils gagnent. Non, non. C'est Marcel Côté qui remporte la palme avec des revenus de près de 400 000 $. Ah, je vais peut-être voter pour un pauvre, finalement. Ah! Je pourrais peut-être vous intéresser à un petit Richard Bergeron. Ah, ouais, ouais. Combien il gagne, lui? Combien il gagne? Disons seulement que Marcel Côté donne autant à charité que le salaire de Richard Bergeron. Ah ouais? Oh boy. Il donne-tu à Richard direct? Non, je suis pas sûr qu'il est déductible d'impôts. Ah non, non. Il est juste des... Il est déductible. Ouais, c'est ça. Vous pouvez le dire. Hein? Ça vous dérange. Hein? En tout cas, on parle de plus en plus d'élections provinciales. Oui. On dit, ben oui, oui. Et le PQ est en lac à l'épaule à Saint-Michel-des-Saints. Moi, je trouve qu'il aurait pu choisir un endroit un peu plus laïque quand même. Saint-Michel-des-Saints, ouais, franchement. C'est pas fou. J'aurais fait ça dans une mosquée, moi. Ouais. Ça, ça aurait démontré un signe d'ouverture. Ben oui! Donc, ouais, en avoir des saints, eux autres, les islams. Ah ouais? Connaissez votre religion, eux autres? Ouais. Non, non, vous direz, un box-pop de c'est spécial, eux autres. Hein? C'est, je pense que c'est si tu meurs de la bonne façon, il y a des chances que tu envoies au ciel des saints. Ah ouais? C'est pas les mêmes. Ah non? C'est 72 vierges fois 2. 144. Ah oui, c'est le même qui c'est à peu près, c'est à peu près ça. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais. C'est fois 2, hein? Ouais, normalement, ouais, okay. Normalement. Il n'y a pas une pas, hein? On va peut-être la rectifier tantôt. Mais là, on parle d'élection, mais il n'y a rien de sûr parce qu'on l'a lu toute la semaine. Pauline Marois nous l'a martelé. Les Québécois ne veulent pas d'élection. Mais là, franchement, depuis quand que le PQ écoute les Québécois? On n'en voulait pas de la charte, on en a eu une pareille. Oui, ouais, mais non, mais ça répond pas à ma question. Va-t-il Nawaï? Va-t-il Nawaï pas? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on n'appelle pas Julie Schneider? Il paraît que c'est elle qui tire les ficelles au PQ. Oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de marionnettes au PQ. Eh, bon, oh, ouais. Ouais. Mais moi, je crois pas à ça que c'est elle qui. Ah, non, non, non, je crois. Ben, voyons donc. Si c'était elle, là, le PQ aurait des meilleurs codes d'écoute. Ouais, c'est voyons donc. Hey, tout. Toutes ces shows fonctionnent, tout. Julie. Toutes. Ouais. Écoute, des succès. Ouais. Le banquier, là, ça, c'est des milliards de Québécois écoutent le banquier. Ah non, non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ah ouais, c'est des trilliards. Ah ouais. Ah ouais. Même la rue rentre chez elle pour l'écouter. Ah ouais, j'ai pas vu dernier sondage. Ouais. En tout cas, il y a Philippe Couillard qui, lui, est bien inquiet de ça, à la proximité PQ québécois. Hein. Ça, c'est normal. Hein. C'est stressant quand un parti politique est très, très proche d'un groupe médiatique. C'est... Avez-vous un exemple en tête? La DQ avec Télétoon. Ah ouais. Ça, c'est. Ça, c'était très toxique pour la démocratie. Ah, exactement, ouais. Moi, Bugs Bunny, chef de parti, là, non. Non, non, non, non, c'est pas. Hey, parlant de démocratie, il y a la NSA, hein, National Security Agency, hein? En anglais. qui a espionné 35 chefs d'État. Ah, 35 chefs d'État. 35? Je savais même pas qu'il y avait 35 pays. Ah, ouais, regarde, non, regarde. C'est bien gros, la Terre. Là, là, ils sont quasiment rendus à 50. Ça, ah, ouais. 49. Ouais. Check pour la Roumanie, là. non, non, non. Mais une question qui se pose, évidemment, c'est est-ce qu'ils ont écouté Pauline Marois? Ah, bien sûrement. Ils ont des traducteurs, voyons donc. Ah, il paraît qu'elle comprenait mieux en français qu'en anglais sans traducteur. Ah, ouais. C'est-à-dire comment ça. Oh, ouais. Ils ont-ils écouté Stephen Harper aussi? Ah, ils ont essayé. Ah, ouais. Ah, ils n'ont pas été capables de toffer. Non, mais il y a des limites à boire du café. Ah ouais, c'est tough. C'est tough, c'est rien, c'est sûr. Non, c'est pas facile. Ouais. Hey, Simon, ça fait deux minutes qu'on n'a pas parlé de chartes. Oui, ouais, ça c'est rare au Québec. Ouais. Ça fait du bien. Oui, oui, mais heureusement. Heureusement, on ne parlera pas de la charte ce soir puisque nous recevons Jamila Benhabib. Ouais. On ne parlera pas de la charte. On ne parlera pas de la charte avec elle. On va essayer de pas. OK? Hein? On reçoit également un homme d'affaires qui a réussi au Québec. Ça, c'est rare. Ouais, ouais, hein? Oui. Le dragon Alexandre Taillefer. Très content. Très content. Ouais. Est-ce que c'est parent avec Marie-Josée, ça? Oh, ça me surprendrait. Ah ouais, hein? Fredo. Bon, on va avoir le temps de demander, Fred, parce que la soirée est encore jeune! Hey, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui nous écoutent à la radio, ils manquent quelque chose. Hein? Ah, parce que là, vraiment, ouais. Sur place, c'est extraordinaire. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment extraordinaire. Moi-même, j'écoute pas la radio. Non, non, ouais. Regarde, moi, c'est... J'essaie de venir le plus souvent, moi. Sinon, la radio, c'est... Hey, Olivier, l'Internet! Ben oui, il y a des gens aussi sur l'Internet. Ah. Ils peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radiotradunioncanada.ca/lasoirée où ils pourront voir un diagramme concocté par Radio X qui démontre les liens troublants entre les frères musulmans Omar Kader, Québec solidaire et la moustache de Manon Massé. Tout est dans tout. Et est-ce qu'on est dans ce graphique-là, nous? Ben non, ils ont dû se tromper. Ah, ben en oui. tout cas, passons au courrier des auditeurs. Comme les Oscars, hein? Ouais. On a fait l'impression que... Il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils aimeraient entendre Shane Gagnon à l'émission, ce personnage qui a sévi au pornographe et à Bande à part. Eh bien, j'ai le regret de vous apprendre que Shane a bien eu un accident avec son Hummer. Il s'est fait rentrer dedans par une Ford Focus. Le Hummer est une perte totale. Shane est dans le coma. Oubliez ça, OK? OK! Enfin, on a Louis Consois qui demande « Votre émission s'appelle La soirée est encore jeune, mais à quel moment est-ce que la soirée devient vieille? » Oh! C'est bonne une question. Bonne question. C'est une très bonne question. Oui, bien, à 20h. À 20h? Pourquoi à 20h, Jean-Sébastien? La bibliothèque de René? Ah! C'est déjà la 10e édition de Viens voir les politiciens municipaux, Jean-Philippe. Ah. 10 émissions, vous savez ce que ça représente? Ça représente évidemment beaucoup de gens que j'ai rencontrés, beaucoup de politiciens inspirants, beaucoup de politiciens compétents, et Daniel Lorrain aussi. Oui, oui. Et parmi eux, il y a quelqu'un que j'ai reçu à deux occasions, plutôt qu'une, mon bon Jean-Philippe. Et je vais vous avouer que c'est quelqu'un pour qui je suis en train de développer un petit kick. Pas André Boisclair, toujours. Non, la petite Mélanie Jolie. Ah, es-tu assez belle, elle? Belle, Jean-Philippe, c'est pas le mot. Tellement, mon bon Jean-Philippe, que je dois avouer que j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec elle. Je pense que j'ai envie de devenir premier monsieur de Montréal. Pas juste parce qu'elle est belle, évidemment. Aussi, Jean-Philippe, parce qu'elle a de l'aplomb. Elle oui. a énormément de gosses. Et surtout, on va se dire, parce que la presse a révélé cette semaine qu'elle a déclaré 220 000 $ de revenus en 2012. Et tabarslac! Oui, tabarslac! Avec elle, je pourrais enfin arrêter de faire des jokes dans un téléphone le vendredi soir. Hey. Et pour savoir exactement de quel bord la France, pour avoir des chances, bon Jean-Philippe, j'ai décidé d'inviter nul autre que sa maman à venir manger un bon spaghetti sur sa viande à maison. Tout est prêt. Elle arrive dans quelques minutes. Je vais donc procéder à une opération de séduction avec elle. Je vais tenter de tout savoir sur Mélanie. Mais aussi, on va parler d'elle, parce que vous n'êtes pas sans savoir, Jean-Philippe, qu'elle aussi, sa maman, se présente en politique dans le parti de sa propre fille. Je serai donc dans quelques minutes avec Mme Laurette Racine et un beau spaghetti meatball. Ah, ben merci beaucoup, Jean-Sébastien. Bonne chance, là. À tout de suite. Notre premier invité, Fred. C'est une des signataires du manifeste des Jeannettes, mais contrairement à Mme Bertrand, elle a de vrais arguments. Accueillons Mme Jélima... Jamila Benhabib! Ah, venez vous asseoir, je vous en prie. Ben oui, merci, merci de venir nous voir. Merci, merci à vous. La dernière fois qu'on vous recevait, vous veniez de perdre vos élections. Oui. Pour, par 1001 voix. Je sais plus, je me rappelle plus. Ben, je vous le dis, 1001 voix. C'est fâchant, hein? Et que vous seriez ailleurs en ce moment. Mais toujours est-il que je me suis préparé toute la semaine à recevoir Jamila Benhabib et je me suis dit, mon Dieu, que j'ai hâte d'y poser la question. Est-ce qu'elle va révéler en primeur qu'elle va être candidate dans Trois-Rivières? Puis, ben, Radio-Canada, là... On s'est fait scooper ben, par Radio-Canada. Maudite gang de souverainistes, hein? Et, fait qu'on vient d'apprendre que vous ne vous représenterez pas. C'est vrai, ça? Mais il faut pas croire tout ce qu'on raconte les journalistes. Ah, ben, Radio-Canada, c'est normalement, c'est clair. Mais en même temps, ça disait ne se représentera pas à Trois-Rivières. Peut-être dans Je lis jamais les articles au complet. C'est ça mon problème. Parce que la dernière fois que vous êtes venu, vous nous aviez promis, dit en fait, que vous alliez vous établir à Trois-Rivières pour plus sentir votre comté. Là. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'arrête pas de le sentir. Ouais. Avez-vous déménagé à Trois-Rivières pour vrai? Oui. Pour vrai? Absolument. Arrête. Pour mieux le sentir, okay. Pour bien le sentir. Là, mais... il a même déteint sur moi. Ah ouais? Ouais. Est-ce que donc, c'est pas vrai que vous n'allez pas vous présenter dans Trois-Rivières? Ben, je sais pas. Ah, c'est-tu plate? Mais ils l'ont dit aux nouvelles. Non, mais il faut pas croire tout ce que disent les nouvelles. Oh, ben, voyons donc. Il faut croire tout ce que racontent les nouvelles. C'est pas une émission de Michel Lacombe, ça? Ben oui, vous êtes dans les Jeannettes, hein, les Jeannettes qu'on a découvert la semaine dernière, avec des porte-paroles très éloquentes, comme disait Denise Filiatro. est-ce que c'était le message que vous vouliez qu'il passe? De quoi? Quand Denise a parlé à M. Arcan, là, ça a fait des... Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? C'est toutes des folles. C'est toutes des folles, bang dans le lac. Ouais. Bon, c'est ça un peu qui a transparu des Jeannettes. On va vous le dire, c'est un peu ça qui a transparu. Et là, on se demande, les gens qui ont signé ce paragraphe-là. Oui. Ouais. On n'a pas signé pour ça, là. Non, ben, on n'a pas signé. Ben, personne ne signe pour Denise Filiatro. Mais je veux dire, Denise fait quand même partie de votre groupe. Exact. Quand vous l'avez entendu, là, est-ce que moi, vous je ne l'ai pas entendu, je dormais encore. Ah, c'est vrai. Vous n'écoutez pas Paul Arcan? Ben, j'ai dormi. Il y a un décalage. Il y a des jours où je dors. Il y a des jours où je suis debout. Mais parce que le message a été un peu éparpillé. À vous? Le débat sur la charte depuis presque un mois maintenant. Ouais. C'est vrai que ça fait 2 ans. Là, mais ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais pas là au début. Hein, j'étais en Afghanistan. Ah fait, mon Dieu. Oui, qu'est-ce que tu faisais là, non? Je me promenais. Là. Arrêtez donc. Ouais. Mais pour vrai, là. Non, mais pour vrai. Vous vous promeniez pas. On se promène pas de même en Afghanistan. Pour vrai. Et je vous dis. Puis en plus, j'ai failli prolonger mon séjour en Afghanistan pour ma santé morale. C'est vrai? Ouais. Vous êtes revenu pour les élections? Ben non, mais on m'a dit la charte, tout le monde parle de la charte, on voulait avoir mon opinion sur la charte, et puis tout le monde m'appelait, mais quand je suis arrivée finalement, personne ne voulait avoir mon opinion sur la charte. Ben là quand même, vous êtes allé à Tout le monde en parle, mais là, le débat justement est devenu un peu, c'est un peu rendu, il y a une coagulation du débat. Il me semble que là, on entend trop d'opinions, c'est pogné en pain, on ne sait pas quoi penser de ça. J'aime bien votre coupe. Non. Coupe de cheveux? Ouais, j'adore. Ça n'a pas de rapport avec le sujet. Ben, je sais pas, là, j'avais envie de le dire. Merci. Ça. Je suis allée chez Tignazou, je suis allée chez coiffeur hier. Mais je pense que vous êtes l'animateur qui avait le plus de succès avec votre coupe. Et bon, puis votre élégance. Oui, c'est vrai que avec des entrevues de même, c'est pas le contenu qui gagne. Non. Une chance que vous êtes pas chauve parce que ça serait pas long. Faut trouver d'autres choses. Je vais finir dans mes vieux sujets que j'avais rempli. La coagulation, oui, racontez-moi ça. Oui, mais c'est ça. Il me semble que le débat. Ouais. C'est pogné en pain. On ne sait plus où se jeter. On a l'impression que là, le projet de charte, on aurait besoin que ça devienne un projet de loi. Mm-hmm. On a l'impression qu'on n'a pas entendu ce que les autres partis avaient à dire. Bon, peut-être que Philippe Couillard ne parle pas bien là-dessus, remarquez. Ouais. Mais par exemple, le Québec solidaire, ouais. On a parlé avec Amir Kadir il y a quelques semaines, qui nous présentait son projet avec de charte. Avec lequel j'ai débattu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Ben, la charte de Québec solidaire, il n'y a pas quelque chose de bien là-dedans? Ça ne va pas rejoindre un peu ce que... Parce que il n'y en a pas de charte avec Québec solidaire. Ben c'est, oui. C'est Bouchard Taylor, ils ont repris ben Bouchard Taylor. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Bouchard Taylor? Non, ne me mettez pas là-dessus, là. Ben, c'est parce qu'on a du temps à remplir. Ça serait bien bête de parler de mes cheveux pendant 8 minutes. T'sais. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec Bouchard Taylor? Bouchard Taylor? Ouais. Ben, s'ils avaient des propositions intéressantes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais quelles propositions qui n'étaient pas intéressantes à Bouchard Taylor? Parce que ça a été tabletté par le PLQ. Et il n'y avait rien à retirer de ça sur lequel on pouvait travailler? Mais c'était l'analyse qu'il faisait de la situation. Elle était extrêmement erronée. Elle n'était pas pertinente du tout. Il faut des balises pour encadrer les accommodements religieux. Et puis, c'est pas ce que Bouchard Taylor disait. Et puis, la charte des valeurs proposée par Bernard Drinville, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de... C'était bien fait, selon vous? C'était la bonne façon? Ben non, il y avait des affaires tout croche. Arrêtez donc! Oui. Comme quoi? Ben, il y avait des incohérences, il y a des limites, certes. C'est pas un projet parfait. Et pourquoi proposer ça de cette façon-là, alors? Ben... En sachant que ça allait dériver d'un côté puis de l'autre, parce que c'est ça qui est arrivé, en fait. Quand je dis coagulation, c'est qu'on a l'impression qu'on a 800 opinions. En fait, tout le monde a donné son opinion, même Fred, hein, je pense, récemment. Oui. Moi, mon idée n'est pas faite encore. Mais lui, il m'a dit qu'il était sur le point de devenir un Jeannot. Oui, mais c'est à cause... Oui, mais ça, j'ai dit ça... Hors micro. Je sais pas, j'ai pas le droit de le dire à Radio-Canada. Ah, okay. Non, c'est vrai. Et mon Dieu, non. Moi, je suis pas un Jeannot, sincèrement. Moi, je veux rester neutre. D'accord. T'es-tu un inclusif? Moi, je suis un citoyen autre... de la Terre. Je m'en vais vomir, j'en viens. Comme la Suisse a été neutre. Hein? Comme la neutralité de la Suisse. Mais qu'est-ce qui a été mal fait? Non, c'est le point Goodwin. Qu'est-ce qu'on a mal fait dans le projet de Bernard Drinville? Parce que justement, ça a suscité beaucoup de débats, un peu de tous les côtés. On a eu l'impression qu'on a perdu le focus là-dedans. Bon, ben... On débat. C'est quoi le problème de débattre au Québec? Il n'y en a pas de problème. Ben alors... Mais c'est parce que quand un parti politique met sur on la place publique... On débat partout. On débat en Europe. Non, on n'est pas dans les pays arabes. On n'est pas dans les pays musulmans. Je suis d'accord, mais ce n'est pas une charte pour la couleur du ketchup. Là. C'est quelque chose d'assez solide. Oui. Ça provoque des discussions assez profondes et surtout parce que... Passionnées. Oui, tout à fait. Oui. Et le projet a été un peu lancé... J'ai un projet de 10 pages, ça ne peut pas expliquer exactement le contexte complet au Québec. Mmh. En lançant ça comme ça, vous ne pensez pas que c'était un problème? Vous ne pensez pas que ça a été juste mal fait par le PQ, votre parti d'ailleurs? Non, je ne pense pas. Je pense que quelle que soit la façon avec laquelle on aurait discuté du sujet, étant donné du fait que c'est un sujet passionné, que c'est un sujet animé, que c'est un sujet aussi qui va chercher une fibre importante chez les personnes lorsqu'on parle de religion, d'identité, forcément, il y a quelque chose qui ressort de subjectivement. Et donc, quelle que soit, c'est la nature du projet qui fait que ça soulève les passions. Mais cela étant, je pense qu'on peut débattre au Québec d'une façon civilisée et on le démontre qu'on peut faire les choses d'une façon civilisée. Maintenant, qu'il y a eu des dérapages, bon, certes, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut retenir de cet exercice-là. Dernière question, Jimmy-là. Parlons d'élections municipales. Vous, comment ça se passe à Trois-Rivières, les élections municipales? Ben, c'est vraiment passionnant. C'est vrai? Qui se présente? Parce qu'on ne suit pas beaucoup C'est vraiment passionnant. Ben, je vais vous dire juste un nom. Non, c'est niaiseux. Écoute, on ne sait pas du tout. Non, mais nous, on a une candidate vraiment très, très impliquée. C'est une élue municipale depuis une dizaine d'années. Puis là, je la vois aller dans cette campagne. Elle s'appelle Sylvie Tardif. Et on a un maire qui est là depuis assez longtemps. Donc, lui, c'est ça, c'est Monsieur l'évêque. Donc, il y a une course, je pense, intéressante qui se joue en ce moment. Donc, c'est pas très laïque, ça, Monsieur l'évêque? C'est sûr que c'est un problème. Mais et vous, là, ça va être la première fois que vous allez voter à Trois-Rivières. Exact. Et vous allez voter pour qui? Je vais voter pour Sylvie Tardif. On est content de le savoir. Et est-ce qu'elle va vous appuyer dans votre campagne à Trois-Rivières? Elle ne me l'a pas encore dit. D'accord. On a quelque chose, là. Ouais. OK, parfait. Génial. Vous restez. Hey, ça a été long, on l'a eu. OK. Hey, ça paye des journalistes 60 000 piastres pour les acheter des affaires de même. Ben plus que ça, ouais. Vous restez avec nous? Oui, j'espère bien. Vous connaissez peut-être notre reporter sans visière, qui est de retour du Moyen-Orient, mais même à Montréal, il réussit à nous faire sentir loin, très loin. On l'écoute. Montréal, 5h30 du matin. Je marche dans la ville, aux mille nids de poules, à la recherche de la députée québéco-marocaine Fatima Ouda Pépin, celle qu'on appelle maintenant la muette. La porte-parole libérale en matière de transport est introuvable. Mon premier stop obligatoire, je le fais au garage de Briman Farfouzil, un jeune Afghan installé incognito dans le parc extension depuis que son cœur a chaviré pour une roussette au miel du Tim Hortons de Kaboul. Il m'aiguille vers un jeune garçon qui joue dans la ruelle. Mohamed Rasfazoun, 7 ans, est accroupi par terre. Il caresse son chat, Ria, un jeune matou qui veut s'imposer partout, couleur poivre et sel, deux aliments qu'on ne trouve plus à Damas. Mohamed regarde le crépuscule quelques secondes et enfin, dans ses yeux couleur de date, une lueur d'espoir. Il y a bien une Fatima dans son CPE où une journée coûte aussi cher qu'une seule cigarette à Bagdad. Mais la vilaine ne veut pas se dévoiler. Dernière chance, la circoncision de Madame Ouda Pépin, lapinière située essentiellement à Brossard. J'accroche un employé clandestin du marché asiatique Kim Fat entre des pots de kimchi et des nouilles bon marché. Il vote depuis des années pour Madame Ouda Pépin, car il croit qu'elle vient des Philippines comme lui. Presque bredouille, je rentre à la maison en empruntant le vieux pont Champlain troué comme l'aéroport de Benghazi. Le soleil se couche dans l'indifférence inconfortable d'une société qui se cherche pendant que dans ma voiture règne un silence aussi lourd que celui de Fatima ou de Pépin. Mahmoud Ashrafi, Montréal, pour Reporter sans visière. Un des très bons journalistes qu'on a ici. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah non, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, toujours en direct de chez moi, où je reçois présentement Mme Laurette Racine, la maman de la belle Mélanie Joly, et aussi, accessoirement, candidate dans Antique Quartier-Ville. Elle vient tout juste d'arriver, mère de Mélanie Joly. Bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Ah, oh, hey, mon Dieu, puis vous êtes tellement belle en plus. Vous êtes aussi belle que votre fille, puis c'est même pas des blagues, Jean-Philippe. On s'entend que la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre, Mme Racine. Oh, Jean-Sébastien, comme vous êtes charmant. Merci, c'est gentil. C'est très bien, vous aussi, Jean-Sébastien. Vous êtes magnifique. Mais voyons, arrêtez-moi ça, pour vrai. Oh, oui, Jean-Sébastien, oui. Seigneur, que c'est une belle journée. Alors, Mme Racine, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Parlons de Mélanie. Elle était comment, Mélanie, quand elle était toute petite? Bon, évidemment, il ne devait pas y avoir beaucoup de contenu dans ses exposés oraux à l'école, j'imagine. Mais quand même, déjà, elle devait tellement être belle. Jean-Sébastien, Mélanie préparait ses exposés avec beaucoup de précision. Oh, la belle Mélanie. Mais aujourd'hui, je veux dire, vous devez être fière d'elle en Saburn. Je veux dire, hey, deuxième dans les intentions de vote ici à Montréal. Vous ne devez plus porter à terre. Bon, en même temps, c'est sûr, entre nous, ça doit compenser pour les fois où elle vous a fait tellement honte. Genre, la fois cet été où elle était incapable de garder un seul candidat, ou encore la fois qu'elle a organisé la campagne électorale de Justin Trudeau. Oui, oui, oui, M. Trudeau, oui, je me souviens. Oui, son premier candidat, oui. Mais j'en sais pas si, il y a eu 60 autres candidats par la suite. Et Mélanie, c'est une rassembleur, elle est très forte, Jean-Sébastien. Oui, elle est forte, la belle Mélanie, et elle est très riche également. Mon Dieu, j'aime tellement ça quand on parle de Mélanie, Mme Racine. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de vous dans quelques minutes, parce que vous aussi, vous êtes politicienne. Oui. Alors, on va découvrir exactement qui vous êtes, Mme Racine, tout de suite après la très amusante chronique de mon bon ami Frédéric Savard. Frédéric. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Boutier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui aimerait avoir un aussi gros manche que le PQ pour pouvoir aussi bien se le branler. D'accord. Excuse-moi, Fred, qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai pas. Ben non, mais tout le monde dit qu'il arrête pas de branler dans le manche. OK. Je pense que c'est votre façon de le dire. Je fais juste répéter ce que les gens disent. Hey, Frédéric, quelle est votre chronique? Oui, parlons féminisme cette semaine. On n'a pas le choix. C'est sur toutes les lèvres, les grandes comme les petites. Évidemment! Non, ça commence. Ça commencerait. Faudrait que je parle à mes scripteurs. Je trouve que ça commencerait d'un peu. Bon. Évidemment, le débat sur la charte nous a montré les divergences du mouvement sur le port du voile en tant que symbole de soumission ou au contraire en tant que symbole du libre choix de la femme de penser qu'elle le porte librement. Les avis divergent et comme le disaient des proches, divergent, c'est énorme, surtout dans le cas qui nous occupe. C'est une doctrine complexe que le féminisme, puisque cette semaine, à l'émission quotidienne Plus on est de fous, plus on lit, sauf le vendredi, j'écoutais d'une oreille distraite une jeune féministe qui discourait sur Miley Cyrus, prétendant qu'elle était complètement victime du machisme ambiant et que même si elle dit être en parfait contrôle, elle ne l'est pas du tout, puisque sans le savoir, elle se sert de son charme et de son corps pour être ce qu'elle est, c'est-à-dire un objet sexuel au service de Gaberoy, et personne ne veut ça consciemment. Voilà des propos étonnants depuis que la charte est sortie, puisque dans le cas des femmes voilées, ce serait complètement l'inverse. Elles seraient, si on en croit les inclusives, en plein contrôle de leur vie. C'est extraordinaire quand même que dans une même semaine, Miley Cyrus soit une complète victime du patriarcat, mais pas mon amie Fatima. Ce fut donc une semaine sous l'égide du féminisme, puisque l'ONU lançait sa saisissante campagne sur le cybermachisme, et je dis saisissante dans la mesure où elle vise justement la saisie que l'on fait sur les moteurs de recherche Internet, des moteurs qui seraient beaucoup plus machistes que l'on pense, et on le sait, les femmes se font toujours avoir au garage. Ainsi donc, si on tape les femmes sur Google, les quatre premières occurrences seraient dans l'ordre « les femmes sont folles », ne devrait pas porter de pantalon, devrait prier à voix basse et faire le ménage, ce qui, selon l'ONU, serait suffisant pour conclure que Google est aussi jambon que Gaberoy. Ça, c'est les occurrences que nous relatait le Devoir de mercredi où j'ai pris connaissance de cette campagne de l'ONU. J'ai donc fait une recherche le lendemain avec les mots « les femmes devraient » sur Google et ça donnait ceci. « Les femmes devraient-elles rester à la maison ?» Une question qui se pose quand même, hein, je pense que, hein, on a le droit. Les femmes devraient rester à la maison, une affirmation franchement dégradante. Les femmes devraient-elles servir comme pasteurs? Ça, c'est la troisième occurrence. On est ici dans le domaine de la religion et des croyances, le nouveau dada des Québécois anti-charte inclusif. Pas pour rien que c'est en troisième position. Et comme quatrième occurrence, on retrouvait « les femmes ne devraient pas être comme la lune ». Vraiment, c'est véridique, vous ferez la recherche, ce qui est franchement dégueulasse, à mon avis. Encore une fois, on veut enlever des droits aux femmes. Qui ont bien le droit d'être comme la lune, c'est-à-dire changeante, des fois pleine, des fois pas la pantoute, mais quand même capable de nous faire monter la marée. Mais... mais si on va plus loin et que l'on clique sur les occurrences, Et c'est là que c'est intéressant, le tableau est plus nuancé. Parce que si on clique par exemple sur les femmes devraient-elles rester à la maison, ben les deux premiers liens, c'est un forum français de conditions féminines et masculines sur le site de yahoo.fr. Le deuxième lien, c'est un autre forum sur la psychologie, celui-là. Et normalement, les forums de psychologie ne sont pas nécessairement fréquentés par les Spider-Man de Father for Justice. J'ai donc décidé d'aller au fond des choses et de voir s'il n'y avait que les femmes qui étaient victimes de Google. Alors j'ai tapé les mots « les hommes devraient ». Ah. J'ai eu ceci comme occurrence. Les deux premières occurrences, les hommes devraient savoir qu'ils sont vaincus en position 1 et 2. J'ai été complètement soufflé par tant de misandrie jusqu'à ce que je me rende compte que les deux sites qui apparaissaient dans ma recherche répertoriaient les meilleures répliques du film Gladiator et c'est véridique. En troisième place, les hommes devraient nettoyer la maison. Étonnamment, si on clique sur cette occurrence, on tombe sur l'article du Devoir dont je vous parle. Est-ce que le Devoir est un journal féministe? Difficile à dire. Et dernière occurrence de ma recherche, les hommes beaux devraient être taxés. Ça, par contre, j'ai pas vraiment pas aimé ça. Non, ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, Jean-Philippe, on venait chercher de l'argent dans nos poches. Ben dans les miennes, c'est clair. J'ai cliqué sur le lien et je suis tombé sur le site forum.auféminin.com. Je suis pas allé plus loin. Là, je commençais à avoir mal au ventre. J'avais froid aux pieds. Donc, en terminant, loin de moi l'idée de vous dire que le machisme n'existe pas, mais ne le cherchez pas sur Google. Cherchez-le autour de vous. C'est encore pire. Ah, mon Dieu, c'est quand même moral, tu te quittes. C'est clair. Ah. Que c'était J'avais bon! J'avais spécifié que ce matin, Marc-Claude Lortie avait un article sur le même sujet, mais c'est une totale coïncidence. Je ne lis jamais Marc-Claude Lortie. Me semble. OK, on va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes là? Oui, puis je pense que c'est une magnifique soirée, mon bon Jean-Philippe. Ben oui. Toujours avec Madame Racine, on se souvient, maman de Mélanie Joly, et belle-mère rêvée de bain du monde. Jean-Philippe, si vous voulez avoir mon avis. Ben oui. Alors, Madame Racine, vous avez décidé, vous également, de faire de la politique, mais pourquoi exactement vous avez choisi le parti de votre fille? Je veux dire, être élue, c'est pas quelque chose que vous tentez, vous. Ben, Jean-Sébastien, effectivement, j'ai choisi ce parti. Pour un programme, parce qu'elle a un programme qui est vraiment cohérent et qui couvre tous les aspects de la société. Comment ça se passe concrètement, votre campagne? Je veux dire, parlez-moi des enjeux de votre société. Je pense que les gens meurent de savoir ce qui se passe dans un petit quartier-ville. Jean-Sébastien, un petit quartier-ville, c'est la sécurité, c'est le transport en commun, c'est la qualité de vie, c'est un milieu vert. Est-ce qu'elle est célibataire, Mélanie? Non, actuellement, elle est prise, Jean-Sébastien. Par contre, vous en serez le premier informé si elle dégageait. Ça, c'est très délicat de votre part. Écoutez, on va quand même poursuivre l'émission si vous voulez bien. Vous savez qu'ici, à Viens voir les politiciens municipaux, on offre la possibilité au public de vous poser des questions, poser des questions à mes invités. Alors, chers publics, si vous avez des questions pour la maman de Mélanie, vous les écrivez à la soirée@radio-canada.ca. On se retrouve dans quelques minutes, mon bon Jean-Philippe, pour y répondre et pour le dessert. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Bon appétit. Hein? Notre deuxième invité, Fred. Créateur d'entreprise multimédia, mécène, il s'est fait connaître à l'émission Les Dragons. Accueillons celui qui ne crache pas seulement du feu, mais aussi des dollars, Monsieur Alexandre Taillefer! Bonsoir. Hey! Bonsoir. Monsieur Taillefer! Bonsoir tout le monde. Alors, on vous l'a pas dit, mais ici, ce sont tous des gens qui viennent vous présenter des projets. Comme vous pouvez voir, c'est tous des gens qui ont besoin d'argent. Merci énormément d'être ici. Alexandre Taillefer, je le présente, multimillionnaire, entrepreneur, collectionneur d'art, président du CA du Musée d'art contemporain. Vous êtes père de deux enfants, vous êtes animateur au Dragon qui revient pour une troisième saison. Vous avez à peine 40 ans et ça, c'est un peu maudit pour le reste du monde qui n'ont pas réussi le vieux autant que vous. Je vais vous le dire. Moi, je pensais que j'avais fait de quoi, mais finalement, je me rends compte que non. Vous êtes encore jeune. Ouais, non, mais je sais bien, mais il reste frais. Mais regardez Fred Savard. Il y a des situations qui sont plus difficiles que moi. Non, je le sais, mais en même temps, je me dis, même âge que vous. J'ai 42 ans. Plus vieux que vous-même. Et il a accompli à peu près un centième dans sa vie. Oui, mais j'ai le plaisir de travailler avec vous, ce que M. Taillefer ne peut pas dire. Non, mais on travaille sur un projet. C'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai que c'est maudit, parce qu'on regarde votre feuille de route et on se dit... Aïe, aïe. Il n'y a pas un peu de chance là-dedans? Ouais. Il y a toujours de la chance. Hein? En affaires, ça prend beaucoup de chance. Ça prend beaucoup de chance? Ben oui. On peut pas avoir un succès sans avoir un peu de chance parce qu'on peut pas toujours prévoir comment est-ce que les planètes vont s'aligner. Et pour avoir du succès, il faut que les acheteurs soient là au bon moment, il faut que l'entreprise soit excitante, il faut qu'il y ait un acheteur pour cette entreprise-là pour pouvoir la revendre. C'est compliqué. Il faut être bon en astrologie aussi, je comprends. Oui. Probablement un prochain venture. Hein? Ah ouais. C'est comme en politique. Oui, c'est vrai que c'est comme en politique. Vous, vos planètes sont bien alignées, Jimmy? Ben, je sais pas, là. Verso s'en va en Trois-Rivières, je pense. Ah ouais, hein? Ça, c'est intéressant, ça. Vous allez animer une troisième saison des Dragons qui va commencer au printemps. Oui. Bravo. L'affaire la plus débile dans tête que vous avez eue comme proposition, c'est laquelle? Parce que c'est juste pour me donner un barème, parce que j'ai peut-être des propositions, moi, pour l'année prochaine. La plus débile dans la tête l'année dernière, ben, j'ai décidé d'investir dedans. C'est-tu la madame des champignons? Non, moi, j'ai beaucoup aimé les deux gars qui sont venus pour nos poubelles magiques. Oui. Ça, j'étais convaincu que j'allais faire une fortune avec ça. Ben, il s'est avéré que les gars avaient copié l'idée d'une compagnie américaine qui avait un brevet. Alors, ça s'est compliqué un peu. Ceci dit, je suis allé chez Rona, j'ai fait deux sales pitch. On avait une commande de 15 000, ben ouais, 15 000 poubelles magiques. Et il a fallu que je rappelle Rona pour leur dire que je voulais pas être poursuivi pour bris de... Ben oui, c'est fâchant, ouais, c'est bien sûr. Ben fâchant, je vais aller refaire mon driveway avec ça. Ah oui, pour vrai? Ouais, ouais. 15 000 poubelles, c'est un driveway? Donc, juste pour me donner une idée. Mais j'ai parlé un peu de votre CV. C'est assez exceptionnel. On peut se poser la question, pourquoi aller faire les dragons? Je pense que je peux faire un peu d'argent en investissant dans des projets au Québec. Mais ça fonctionne vraiment bien avec ça, les dragons. Je veux dire, c'est parce que... Est-ce qu'on est entre nous, là? Hein? Oui, ben là, écoute, il n'y a personne ici, là. Voilà. Je vous dirais qu'on a, entre les projets qui sont présentés et les projets qui vont vraiment se concrétiser, c'est-à-dire au moment où on va faire un chèque, juste à peu près 2 sur 10. Ce montant-là, cette statistique-là, 20 % est plus élevé que le spectacle des dragons, le show des dragons qui est présenté ailleurs dans le monde. Okay. Donc, on a un meilleur taux on appelle ça un taux de closing, ouais. C'est-à-dire combien de deals on est capable de concrétiser. Et pourquoi? Parce que, en majorité, les représentations qui nous sont faites à la télévision ne sont pas véritables, ne sont pas véridiques. Je vais vous donner un exemple. On va me présenter une compagnie. À vous de la dette? Non, je n'ai pas de dette. Combien de chiffre d'affaires? 1 million. Combien de marge brute? 60 % Finalement, on rentre là 600 000 piastres de dette, 350 000 piastres de chiffre d'affaires. Des petits mensonges. Des petits mensonges. Ça ne fait pas grand-chose à la fin, tu sais, mais ça change un peu le deal. Alors, la plupart du temps, ça prend à peu près 17 minutes de faire une revue diligente et on va se retirer du dossier. Ensuite de ça, il y a d'autres cas, comme par exemple Planète Poutine. Ça, c'est un dossier. Moi, j'étais certain que j'allais me faire une dizaine de driveways. Ça, c'est à Trois-Rivières. Mon Dieu. Ben oui, il me disait bien. Ça, c'est à Trois-Rivières. Un type fantastique qui est à Trois-Rivières, mais qui a eu tellement de succès suite à l'émission. Il y a eu 1600 demandes de franchise. Oui. La poutine au foie gras. La poutine au brie, de la poutine Général Tao. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Je ne serais pas si vieux, j'y goûterais. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que dans ce cas-là, puis là, c'est là où je vais faire le lien avec la charte, on a levé le voile sur une situation difficile. Le gars a eu tellement de succès que finalement, on n'était plus aussi important qu'on devait l'être. Il vous a quand même un peu... Ouais, ça arrive. Alors, nous, ça nous arrive. Ça va-tu bien pour ça lui, arrive. Ben, je pense que ça va très, très bien. Je pense qu'il doit en vendre. Il doit vendre des barquettes de poutine. Ça doit être incroyable. Mais c'est une poutine à driveway tant que ça. J'aurais pas fait ce lien là, moi. Mais vous parlez c'est ça, du manque d'entrepreneurship. On manque peut-être de modèles, en fait, au Québec. C'est peut-être ça. Est-ce que vous aviez des modèles, vous? C'est sûr qu'il y a toujours les grands entrepreneurs du Québec Inc. On y fait toujours référence. Les Jean Coutu, les Laurent Beaudoin. François Legault, est-ce que ça compte? François Legault a quand même réussi à faire décoller. Il était millionnaire avant 40 ans. Non, c'était une bonne. On a Pierre-Carl Péladeau, M. Péladeau avant mais, ça. Mais Pierre-Carl, est-ce que c'est vraiment un entrepreneur ou c'est un fils d'entrepreneur? On dit souvent, il y a une expression en anglais, on l'appelle ça PhD. Être un PhD, ça veut dire papa had. Papa avait de l'argent. Ceci dit, il y a des gens qui sont dans un modèle où papa avait de l'argent et ne sont pas capables de rien faire. Puis il y en a d'autres qui saisissent cette opportunité-là et font des grandes choses. Je pense que Pierre Carl, aujourd'hui, avec Vidéotron, a fait quelque chose de fantastique. Avec l'aide du Québec, quand même. Avec l'aide de Mme Snyder aussi, il ne faut pas se cacher. Il n'y a pas de seul là-dedans. Ça, c'est la première ministre, ça, Mme Snyder. C'est ce que j'entends. D'ailleurs, on me dit que le National Security Agency est en train de regarder le téléphone cellulaire de Julie Snyder. C'est plus compréhensible que ce que Pauline dit en anglais. On a eu la disparition. En fait, il y a un de nos grands entrepreneurs québécois qui est disparu, parce qu'au Canadien, qui est disparu il y a 2 semaines, Paul Desmarais. Oui. Est-ce que vous aviez un lien avec Paul Desmarais? Est-ce que c'était une inspiration pour vous? C'est une inspiration. C'est quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour le Québec. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Rose. J'ai rencontré Mme Desmarais aussi. Je connais les fils Desmarais. Je connais également les petits-fils. C'est une famille québécoise importante qui s'est impliquée dans l'économie ici, qui s'est impliquée, qui a créé des jobs de façon incroyable au Québec et qui est très, très impliquée dans la philanthropie. Hein? C'est des gens qui donnent beaucoup, qui ont donné à l'Opéra de Montréal où j'étais avant, mais qui ont donné aux hôpitaux, qui ont donné à l'éducation. C'est incroyable ce que ces gens-là ont fait pour le Québec. Alors, définitivement, une source d'inspiration. Question bien technique et bien niaiseuse. Oui. Est-ce qu'on rencontre les Desmarais une fois qu'on devient riche? Ah non, parce que c'est des gens qui sont impliqués dans des causes sociales. Oui, mais je veux dire, vous l'avez rencontré comment, Paul Desmarais? La première fois que j'ai rencontré M. Desmarais, c'est ça doit être chez Power Corporation. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Vous faisiez une demande d'assurance? Ou... j'ai été refusé. non, sérieusement, ma deuxième entreprise, j'ai connu chez New Run, j'ai eu beaucoup de succès, mais je passais très proche de la faillite aussi. Et en fait, très, très, très proche de la faillite. Et j'ai loué un local dans un centre d'entreprise et d'innovation où j'avais un loyer très, très bas pour lancer ma seconde compagnie en jeux vidéo. Je payais, je sais pas moi, 800$ par mois. Okay. Et j'avais également beaucoup de soutien, des gens qui étaient en mesure de m'aider, des avocats, des gens d'affaires. Et ce centre-là existe, entre autres, à cause des Desmarais. Alors, j'étais plus millionnaire à ce moment-là, puis ils m'ont reçu pareil. Ah, ben, sont fins, par exemple. Ils sont pas regardants, puis c'est ça qui est le fun. On parlait de politique tout à l'heure avec Jamila Benhabib, qui va se lancer en politique. Bien, évidemment, qui va retourner candidate dans Trois-Rivières. On a eu la confirmation tantôt. Peut-être à Cap de la Madeleine, dans le fond, juste à côté. Ouais, non, mais regarde, il n'y a pas de problème tant qu'elle se lance en politique. Vous, la politique. Écoutez, je me suis jamais caché d'avoir éventuellement le goût de servir non pas la nation, mais peut-être la nation de Montréal. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est, oui. Un parti indépendantiste pour libérer Montréal. OK, ça, c'est intéressant. Non, mais ça, j'embarquerai avec vous. Malheureusement, j'ai pas les mêmes moyens, mais je suis plus jeune que Fred. Il y a de quoi à faire avec moi encore. C'est ça que je veux dire. Mais à Montréal, donc, le parti municipal, je veux pas... Non, je m'en vais bientôt. Non, c'est ça. Mais fallait pas que vous alliez voter, de toute façon. Au municipal, c'est intéressant parce que vous appuyez Marcel Côté. Oui. Vous avez quand même un petit peu appuyé Mélanie Joly, ou en tout cas, une petite tape dans le dos. Ben, c'est-à-dire que je connais Mélanie, elle est avec moi au conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal, donc je l'ai connue dans ces fonctions-là. C'est une fille allumée, une fille intelligente, définitivement. Mais je pense personnellement que Marcel Côté est le gars de la situation. C'est un gars qui a énormément d'expérience au niveau municipal, c'est un gars qui a une vision de la structure. Les enjeux fondamentaux à Montréal, puis c'est plate d'en parler, là, mais c'est des enjeux structurels. Bien sûr, on peut arriver puis faire des tramways. Bien sûr, on peut arriver puis installer des calèches sur le Mont-Royal. Mais à un moment donné, une vision, c'est une chose. Hein? Ben, des calèches, mais avec Internet haute vitesse. Sylvane est venu la semaine passée, puis il paraît que c'est un scandale. mais du haute vitesse, c'est pas du 26K. Mais pour payer toute cette vision-là, pour amener Montréal ailleurs, moi, je suis un peu tanné, d'ailleurs, d'entendre de Barcelone, Chicago, Oslo. On peut-tu créer quelque chose qui va faire que Montréal va être 25 ans en avant de ces villes-là. Et c'est Marcel Côté qui est capable de Je pense que Marcel Côté est capable de faire toute une job pour mettre ça bien propre. Mais là, il va falloir que vous l'aidiez parce que ça va pas bien, là. Ben, le fait que je sois ici, j'espère que je vais réussir à convaincre 2-3. Est-ce qu'il y a des gens peut-être pas encore? Vous êtes franchement sympathique. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Supposons que Marcel... Non, mais là, on supposera pas des folies comme ça, là, mais... parce qu'il rentrera pas à la mairie. Non, mais c'était des sondages non probabilistes. Hein. La marge d'erreur est assez grande. On sait jamais. On peut être sur Mais c'était Bernard Drainville, je pense, qui avait fait le sondage. Ben, il l'avait calculé. C'est lui qui avait compris. Oui. toujours est-il... OK, allons-y dans la grande folie. Marcel Côté s'en va à la mairie de Montréal. Vous allez avoir un poste avec lui? Non. J'ai encore pas mal de travail à faire. J'ai des investissements. Je m'occupe du Musée d'art contemporain. On a hâte que... on espère que le projet de transformation de ce musée-là se fasse. Et qu'on n'a plus de temps, mais que ça me tente de parler du MAC parce que vous êtes président du CA depuis 2012. Voilà. Il s'est passé pas mal de choses depuis ce temps-là. Oui. Des départs, des annulations de construction et d'agrandissement. Oui. Mais en même temps, on vous a vu gérer l'Opéra de Montréal. Vous avez réussi à faire de cet opéra-là quelque chose de... Ben, en fait, vous avez rebâti, restructuré l'Opéra de Montréal grâce à la phase de Marc Hervieux, d'ailleurs. Oui. Ben, Marc, il y a certainement quelque chose à voir là-dedans. Je pense qu'on a popularisé, on a rajeuni la clientèle, mais il y a une équipe incroyable qui a été mise en place là. Et je pense sincèrement que... ça peut se faire pour le Mac? Ça peut se faire pour le Mac. Non, ça ne peut pas se faire pour le Mac. On est en train de virer cette chaloupe-là. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. À ce point-là? Hey! Il y avait du monde hier au Musée d'art contemporain. C'était incroyable. On a une exposition en ce moment, Beat Nation, sur l'art des Premières Nations. Ouais. C'est funky, ça groove. Il faut que vous veniez au musée, il faut venir voir ça. Il faut venir nous encourager parce que c'est un musée important. C'est un musée qui parle de l'art d'aujourd'hui, l'art actuel, l'art qui nous définit. C'est pas des artistes morts, là. C'est des artistes vivants qui disent qui on est puis vers où on s'en va. Ben, merci beaucoup, Alexandre Taillefer. Merci énormément, franchement. Merci. Très bonne discussion. Et puis, j'ai à peine passé à travers mes sujets que je voulais parler de Chupon Champlain. Mais vous reviendrez, que je voulais. C'est comme ça. On n'a même pas fini cette émission-là. En plus, mais non. Faut écouter Olivier Niquette, là. Présentez-nous. C'est compte rendu de ce qui se fait de mieux en Radio Jambon. On nous rappelle chaque semaine que le système d'éducation québécois ne garantit pas l'intelligence pour tous. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Olivier, juste un mot. J'ai oublié d'offrir de la bière à Alexandre Taillefer. Je me sens tellement... En plus, une belle bière montréalaise ça, c'est un petit projet. Je me suis servi. Mais merci. Non, mais j'ai vu que la gang de la rangée d'en avant, ils savent généreux. Comment ça fonctionne ici. Olivier, allez-y. Oui, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue après qu'on eût appris que le Carnaval de Québec allait ramener son concours de duchesse. Or, signe des temps, les duchesses ne seront plus jugées selon leur beauté, ce qui a mis Sylvain Bouchard, le Paul Arcan de Québec, dans tous ses états. C'est drôle que d'un côté de la bouche, la femme a le droit à son corps, doit être belle, pas de voile, arrêtez donc de les cacher. Le Carnaval, vous mettez des burkas, ces duchesses. Vous êtes donc bien frus. Même si vous nous dites, faites pas ça, avec votre petit discours castrant, là, on va regarder pareil. Puis moi, m'en faire un concours, OK? Les plus belles duchesses seront récompensées dans Bouchard en parle. Hey, une chance qu'il reste encore des gens comme Sylvain Bouchard pour défendre les vraies valeurs québécoises, soit des filles en bikini qui boivent du caribou à moins 30. D'autre part, le blogueur et humoriste Gab Roy a semé la controverse sur le web après avoir écrit des jokes très colonnes sur Marie-Lou Wolfe, qui se serait séparée ou pas d'avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Dominique Moret de Radio X, grand défenseur de la liberté d'expression, se demandait d'ailleurs si dans ce cas-ci, on n'avait pas dépassé les limites. Et où la limite, à un moment donné? Il y a un animateur de radio à Chicoutimi qui a qualifié la fille, là, Bédard, là, celle qui vient de sortir un disque, oui, là, dans Star Academy. Il l'a comparé à Shrek et tout ça. Regarde, il était suspendu, puis regarde, ça n'avait pas d'allure. Moi, la question que je me pose, c'est, elle est où la limite, ces médias sociaux? Les médias sociaux sont devenus une vidange. Ah, les maudits médias sociaux poubelles, un fléau. D'ailleurs, dire qu'une fille ressemble à Shrek, c'est pas vraiment fin. Presque aussi pas fin que de dire qu'une femelle n'est pas très belle et ressemble à un des idiot de Dumb and Dumber. Comme la fille qui avait quoi, la coiffure de Jim Dumb Carrey dans Dumb and Dumber. C'est bien la seule fille en 150 ans d'histoire de parlementarisme qu'une fille SEO d'une galerie au Parlement. Là. Hey, une chance que Dominique Moret n'a pas dit ça sur les médias sociaux, on aurait sûrement trouvé qu'il dépassait les limites. Pour rester dans le domaine du monde tout nu, Claude Poirier nous annonçait cette semaine avoir des informations privilégiées sur la candidate à la mairie de Laval, Claire Lebel. Quels étaient les liens de Mme Lebel avec le maire Vaillancourt? Moi, j'ai eu des boîtes vocales juteuses. Merci, Claude. J'ai eu des boîtes vocales juteuses. 6 mots, 3 métaphores. Merci, Claude. Pour rester dans les phrases dures à comprendre, Mario Dumont et Pierre Curzi débattaient jeudi de notre obsession face à l'apparence physique. Ouais. Et selon Mario Dumont, là, si tu capotes sur ton corps, c'est... C'est que quelque part, sur le plan personnel, t'as soit une insécurité ou soit une pauvreté d'offre sur l'ensemble d'autres éléments de ce qui est une personnalité. Une pauvreté d'offre sur l'ensemble d'autres éléments de ce qui est une personnalité. Je pense que c'est clair. Ouais. Et l'opinion de Pierre Curzi? Pour bien des gens, ils vont être ce qu'ils apparaissent comme ce qu'ils sont. Exactement. Exactement. Et une qui n'est pas ce qu'elle apparaît comme ce qu'elle est, c'est la candidate déchue de Mélanie Joly, Bibiane Bovet, qui était à l'émission de Mario Dumont lundi. Une belle occasion de plugger qu'elle connaît du monde bien, bien important. Donc pour moi, d'aborder sur mon site Twitter, avec lequel j'ai des contacts avec des gens qui gouvernent les pays du monde et dans le milieu financier et tout, c'était... À l'instant... Vous avez des contacts avec des gouvernantes partout dans le monde? Oui. Contacts personnels? Oui, avec le pape. Rien de moins. Elle a aussi eu des contacts personnels avec des organes génitaux dans un film pour adultes et à titre d'ancienne escorte, ce qui a fâché quelques personnes, mais pas Léopold Lauzon, qui s'inquiète bien plus d'une autre forme de prostitution. Moi, j'appelle ça des prostituées économiques et eux sont bien plus dangereux que des prostituées sexuelles. Quand vous avez des politiciens qui acceptent un job alors qu'ils sont encore députés, j'appelle ça, c'est une forme de prostitution et je pense à Philippe Couillard. Oh là là, hein, Philippe Couillard doit se retourner dans sa tombe. Et tout ça a peut-être inspiré Éric Duhaime qui, après avoir publié il y a quelques mois la vidéo de Luca Rocco Magnotta sur Facebook au nom de la liberté d'expression, a récidivé en publiant la vidéo cochonne de Bibiane Bovet. J'ai mis en ligne pendant quelques minutes le vidéo de Madame Bibi. J'ai mis le vidéo porno. Puis là, Facebook m'a demandé de l'enlever. Ben là, j'espère. On n'a pas le droit de mettre du porno sur Facebook. Okay, tu peux raconter en détail toutes les façons qu'ils nous ont fourrés, tous les millions puis les milliards qu'ils ont détournés. Oui, mais non. Je peux pas montrer le film pendant 5 minutes en action. Non. Non. Morale de cette chronique, il peut être risqué de laisser de la liberté d'expression entre les mains de personnes qui, comme dirait Mario Dumont, ont une pauvreté d'offres sur l'ensemble d'autres éléments de ce qui est une personnalité. Pensez à ça. Wow! Hey, on a toutes que des chroniqueurs à soir. Ah! Hey, bon, bon, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, le maillon faible de l'équipe. C'est pas fin, ça. Ben non, ben, c'est vrai. On t'aime, Jean-Sébastien. T'es drôle, tout le monde. T'aimes tout le monde, rit. De retour, donc, avec la très jolie maman de la très jolie Mélanie Joly. On a reçu beaucoup de courriels pour vous, Mme Racine. Alors, plusieurs questions. Évidemment, je vous lis la toute première pour commencer. Bonjour, Mme Racine. Bravo pour votre implication. Seulement, j'ai un problème. J'ai lu une affiche de votre parti avec tous les candidats dessus. C'est du drôle de monde, si vous voulez avoir mon avis. Des personnes avec des couvercles sur la tête et des grosses barbes. J'ai peur, j'ai bien, bien peur de ce monde-là. Et c'est signé Jeannette B. Et c'est aussi co-signé par plein de comédiennes has-been. Comment vous réagissez à ça, Mme Bertrand? Finalement, je pense que Mme Bertrand, elle nous aime tous, elle nous aime beaucoup. Et qu'elle souhaite qu'on fasse partie de sa grande famille. Maintenant, une deuxième question qui nous vient d'une Mme Bibiane B. Et ça va comme suit. Bonjour, Laurette. Si j'avais, je suis un peu mal à l'aise, un peu vulgaire. Si j'avais baissé mes culottes. Ah, Seigneur, pourquoi qu'il. Si j'avais baissé mes culottes, vous auriez vu c'est quoi le vrai changement? Bon, tu sais. Est-ce que vous vous ennuyez beaucoup d'elle au parti, Mme Rassou? N'est pas eu la possibilité d'échanger avec cette dame. Je la trouve un peu triste ce qui s'est passé. Je lui souhaite bonne chance. Ben oui. Vraiment bonne chance à cette dame. Ben oui. Et un dernier courriel déjà. Bonjour, Mme Racine. Si jamais on se soigne avec notre chef, est-ce qu'il va falloir mettre nos gants blancs? Et c'est signé El Pagé. Alors, les gants blancs, ça va tenir. Ah, Madame Racine, j'aurais jamais assez de mots pour vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et si vous voulez passer le message à Mélanie, je serai avec Fred Savard ce soir chez Roger Savard à 3h du matin. On sera là en deux. Et Madame Racine, je vous souhaite bonne chance. On se retrouve au souper de Noël. Merci. Jean-Sébastien, juste vous dire, dans toute cette émission-là, j'ai hâte à tous les segments, mais il y en a un que j'haïs, puis c'est votre troisième, mais je vous aime quand même. Ah, mais ça m'appartient pas, c'est votre auditoire qui parle comme ça, mon bon Jean-Pierre. Ben non, je sais, ben je vous embrasse. Moi aussi. Hey, malgré les codes d'écoute, malgré les codes d'écoute ingrates, il tient toujours le phare de son émission. Allons écouter notre ami Kevin Gosselin du Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing. Toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des Airs d'Arien sur le Radio X Jazz. Kevin Gosselin au microphone pour la dernière portion de l'émission. Je serai donc avec vous jusqu'à dimanche soir. Il fait 2 degrés à l'extérieur de nos studios et à l'intérieur aussi depuis que nous ne payons plus nos factures de chauffage. Mais j'ai confiance, nos 33 auditeurs me le répètent constamment par courriel. Il ne faut pas lâcher. Les annonceurs sont frileux, un peu comme nos studios, mais ils vont se réchauffer. Dans une note plus positive, j'aimerais saluer tous les gens de la NSA qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont très nombreux, eux. Vous savez, la NSA est cette organisation américaine qui fait de l'écoute électronique, évidemment, notre gauche paranoïaque s'en indigne, c'est leur principal talent, l'indignation. On oublie pourtant que si la NSA avait eu plus de budget en 2001 pour espionner les terroristes, il n'y aurait probablement pas eu d'attentat contre nos deux tours. Mais au Québec, on parle de la NSA de façon péjorative en l'appelant Big Brother, et ça, ça m'attriste. Moi qui n'ai que des sœurs, j'aurais bien aimé avoir un frère, même obèse. J'ai pour mot dire que quand on n'a rien à se reprocher, je ne vois pas le problème à ce que nos autorités compétentes nous surveillent si c'est c'est pour protéger notre mode de vie des bamboulas d'Al-Qaïda. Qaïda, ça le dit, ça veut dire caïd en langue musulmane. Évidemment, les gauchistes vont dire que le droit à la vie privée est sacré, et je suis tout à fait d'accord pour une fois. Moi, ma porno, je l'achète en magazine et je la regarde chez moi, à l'abri de ma vie privée. Et parlant de vie privée, on va l'entendre quota oblige, un peu de jazz québécois, un jazz qui a des ventes assez privées, merci. Alors allons-y avec la pièce Hit It de la formation Uzeb sur les ondes du Radio X Jazz, le 91, blanc. Hey, Uzeb, ça nous rajeunit pas. Ben non, mais c'était moins élevé que la dernière chronique de Jean-Sébastien. Oui. OK, on va les retrouver, ben, notre dernière chroniqueuse de la soirée. Oui. Son regard sur l'actualité mélange habilement l'absurdité du monde et la fraîcheur de ses 30 ans. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Bonsoir, Léa. Bonsoir, mon beau Jean-Philippe. Mon Dieu, mais à peine 30 ans, vous avez encore le temps de vous faire. Je sais pas ce que ça veut dire, Jean-Philippe. Ben, ça veut dire que vous avez le temps de devenir quelqu'un. Ah, je sais. Ben, c'est pour ça que je suis ici. Ben oui, je sais bien. Allez-y. Ben d'abord, en Floride, il y a un monsieur qui a semé la panique parce qu'il a déversé les cendres de sa femme dans un centre commercial. OK. C'est pas le problème. Et ben, tout le monde a paniqué parce que personne ne savait c'était quoi la poudre blanche qu'il était en train de répandre. Donc, il a juste oublié de leur dire « Non, mais arrêtez de capoter, là. C'est pas de l'anthrax, c'est juste ma femme. » Ben oui, c'est ça. Slacké. Ensuite, toujours aux États-Unis, il y a un agent de sécurité aérienne qui a été arrêté parce qu'il prenait des photos sous les jupes des filles qui embarquaient dans l'avion. Je vois pas le problème non plus. Ce qui, ben, ça faisait juste pas partie de sa description de tâche, j'ai l'impression. Oui. Il y a un monsieur en Allemagne qui rentrait de lune de miel et il a oublié sa nouvelle femme dans une station-service après avoir fait le plein. Je n'en vois pas là de problème. Ben, non, mais moi non plus, parce qu'en même temps, c'était sa nouvelle femme. Donc, ouais, il y a le droit d'oublier qu'il y en avait une. Ça arrive souvent, ça m'arrive régulièrement. Écoute, ça. Premièrement, ça a pris 2h30 avant que le monsieur se rende compte que sa femme n'était pas dans l'auto. Quand même. Non, mais ça veut dire que sa femme n'est pas bavarde. Donc déjà, des gros points pour leur couple. Un beau plus, un beau plus. Puis deuxièmement, elle, quand elle s'est rendue compte que son mari l'avait oublié à la station d'essence, elle est juste restée là. Elle a attendu patiemment qu'il se manifeste. Son fait pour être épouse ensemble. Exemplaire, non, j'ai envie de dire. C'est pas une Jeannette, ça. Non, elle, non. Ça, c'est une inclusive, ça. C'est une inclusive. Partons le débat. On s'entendait bien. On a la même couleur de robe. Ça va bien aller. Vous n'êtes pas supposé avoir d'opinion ici, Léa. Continuez. C'est vrai. Dernièrement, la mère de Justin Bieber qui a sorti un, elle a sorti un film sur l'avortement, ben contre l'avortement en fait, parce que sinon ça serait vraiment weird. Ouais. Mais parce que elle a eu son fils quand elle avait juste 17 ans. Hein. Ah. Donc en gros, elle veut nous dire, hey, regardez, moi j'ai eu mon fils à 17 ans et si je l'avais pas eu, ben le monde n'aurait pas Justin Bieber. Ben moi j'arrive à voir comment ça pourrait aussi être un argument qui est pour l'avortement. Ouais. Merci beaucoup, Léa. Ah, merci énormément. C'est déjà terminé pour la soirée Est encore jeune. Dans quelques minutes, la bibliothèque de René où il y aura plein de sujets vraiment, vraiment très intéressants. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Rastico, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert, j'ai le grand Alex Courtois et un gros merci à nos invités de ce soir. Jimmy là, ben, on vote pour vous le 9 décembre. J'espère bien. Ou 6, là, j'ai pas suivi. Ok, mais génial, à Trois-Rivières pour ceux qui restent dans ce coin-là. Et ben, évidemment, Alexandre Taillefer, la prochaine saison des Dragons. Mais avant, on va au MAC. Oui, il faut venir nous voir, absolument. L'exposition Beat Nation qui est là jusqu'à quand? C'est là jusqu'à, oh mon Dieu, vous avez du temps, jusqu'au mois de janvier. Ah mon Dieu, fait qu'on sait quoi faire à Noël. Merci beaucoup. Vous réécoutez notre balado, s'il vous plaît, en vous rendant sur notre site web. Venez assister à l'enregistrement de l'émission la semaine prochaine. C'est les vendredis à 16h et on reçoit Éric Salvaille et Lauren Pintal. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.